Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on passe une heure à parler d'économie. Oui, à nager à contre-courant aussi, je dirais, à respecter les faits et la réflexion en cette ère où c'est même pas proche d'être à la mode, particulièrement pas aux États-Unis. Pour ce faire, je fais la lecture d'extraits de livres que j'ai choisis, des livres qui traitent d'économie au sens large. Un livre par semaine, une heure entière consacrée à ce livre, et puis un invité pour en parler avec lequel on discute, et pas seulement trois minutes vite fait sur le coin d'une table, non, non. On se donne le temps de dire les choses et de les expliquer pour les faire comprendre. Bon, je comprends qu'il n'y a pas d'élimination de candidats ou de segments où on vous montre un veau à deux têtes, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas LCN ici. Alors, c'est ça, Econophile, un concept simple, un livre, un invité, une heure à parler d'économie en rendant le tout plus accessible, plus intelligent et plus humain. Bienvenue à Econophile. C'est une émission à laquelle vous pouvez contribuer. D'ailleurs, je vous invite à m'écrire via notre page Facebook. Vous allez aimer la page d'Econophile pour vous permettre de savoir ce qui s'en vient, de visionner ou de lire des compléments, des choses intéressantes qu'on va publier. Et puis, en m'écrivant des questions, des commentaires, choses comme ça, vous le faites via Facebook. Donc, facebook.com/, bien sûr, Econophile891, ou encore sur notre blog, accessible via notre page Facebook. Vous cliquez sur le bouton « En savoir davantage » et hop, vous vous retrouvez dans un univers où on peut lire des textes qui parlent d'économie sans s'intéresser un instant au gagnant de la voix junior ou le numéro de la valise la plus payante au banquier. Non, un blog qui vous offre des textes inspirés des livres que je vous lis chaque semaine. Allez faire un tour, vous voudrez appuyer sur le bouton « Accepter ». Et cette semaine, on s'intéresse à l'histoire économique du Québec avec un livre très bien fait et qui vous brasse le cerveau et l'esprit. Alors, je vous avertis d'avance, là. Le titre « Dépossession, une histoire économique du Québec contemporain, volume 1, les ressources ». Volume 1, donc on comprend qu'il y en aura un deuxième, effectivement. C'est un collectif d'auteurs dirigé par le chercheur Simon Tremblay-Pépin de l'IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique, et ses collègues. D'ailleurs, je vous les présente. Lynn Nantel, qui s'occupe du chapitre agriculture, Pierre Dubois pour la forêt, ça s'invente pas, Evelyne Couturier et Bertrand Shepper-Valiquette pour l'énergie, Laura Andal-Caraventes pour les mines, et Martin Poirier nous parle de l'eau. Donc, chacun, on le voit, on s'occupe de son chapitre, mais ensemble, ils font une relecture de l'histoire du Québec à travers le prisme économique. Et en s'intéressant à des choses auxquelles on ne s'intéresse pas forcément toujours, hein, probablement en bonne partie parce qu'on les prend pour acquises, hein, nos ressources, c'est à nous, on n'a pas besoin de s'en occuper. Fait qu'on peut penser au hockey, c'est correct, mais bref, c'est un ouvrage qui est très intéressant que je vous propose pour la prochaine heure. Bonne émission. Thank you. Dépossession, donc, c'est le titre de l'ouvrage. Dépossession, c'est un mot qui peut paraître un peu fort, hein, inquiétant, négatif, un peu provocateur, même peut-être, oui, pourquoi pas. Mais quand on lit, on comprend que c'est pour une bonne raison. Sur plus de 300 pages, on vous dépoussière l'histoire du Québec pour vous déboulonner quelques idées reçues, et pas n'importe laquelle d'ailleurs, vous le verrez. D'abord, le terme dépossession, on l'explique dans l'introduction sous la plume de Simon Tremblay-Pépin. Il écrit « Nous empruntons le terme dépossession au géographe David Harvey et à son expression « accumulation par dépossession ». Reprenant les écrits de Rosa Luxembourg, il présente deux modes d'accumulation au sein de l'économie capitaliste, l'expansion et la dépossession. L'expansion, c'est le cours normal des choses, l'exploitation du travail salarié dans le cadre fixé par les lois et dans une relative paix sociale. Cours normal qui fait que, pour vivre, certains doivent vendre leur travail à d'autres qui, eux, l'achètent pour s'enrichir. C'est un air connu. L'accumulation par dépossession, elle, est un moment exceptionnel, brutal, violent, et qui se produit souvent hors du cadre légal normal. Il advient quand on fait passer dans le monde capitaliste quelque chose qui n'y était pas encore. La colonisation est la forme de dépossession qui vient tout de suite à l'esprit. On débarque en terra incognita et on annonce, comme les Yankees de la chanson de Desjardins, « Tout désormais nous appartient ». Voilà comment un nouveau territoire, de nouvelles personnes et des sociétés entières entrent dans l'univers économique normal, celui de l'expansion. On les y force. Les humains deviennent des salariés, la nature une ressource et l'exploitation la normalité. La dépossession prend une forme qui dépasse la violence coloniale. Elle englobe tout ce qui réduit des humains ou des parties de la nature au statut de ressources exploitables. Privatiser un service public gratuit, précariser l'emploi des travailleurs et travailleuses protégés par un syndicat, exproprier des villages entiers pour mettre la main sur des métaux précieux, tarifer l'eau potable pour faire du profit, voilà des exemples actuels de la dépossession. Hein, ça met la table joliment. Et l'accumulation, bien sûr, on n'en a jamais assez. Le concept de la dépossession permet de comprendre la quête sans fin de richesses à exploiter, à vider. Et au Québec, on a pendant longtemps justement laissé le contrôle des ressources à d'autres, hein, jusqu'au jour où on a voulu changer les choses. Cette vision explique le slogan « Maître chez nous ». Profondément enracinée dans le territoire, on la retrouve aussi bien dans le discours politique que dans les productions culturelles. La dépossession renvoie donc en réaction à l'émancipation nationale. Il faut mettre la main sur nos ressources et, ce faisant, empoigner les rênes de notre destinée. Sinon, le peuple du Québec sera dépouillé de la force et de la beauté de cette immensité qui nous entoure. Oui, et cette dépossession attise, bien sûr, la résistance. Aussi, Tremblay-Pépin explique qu'il y a un lien étroit entre dépossession et nationalisme. Et c'est intéressant parce que la façon dont il parle de la Révolution tranquille, cette révolution qui a libéré le Québec de la grande noirceur de Duplessis, hein, Duplessis qui donnait nos mines aux Américains pour une bouchée de pain, ben, ce qu'on comprend, c'est que au fond, alors qu'on devait reprendre le contrôle de nos ressources, de notre destinée, hein, c'était ça l'objectif, ben, c'est pas ça qui s'est passé. Pas du tout. C'est au sommet que ça s'est décidé. Et alors que les technocrates et les grandes entreprises ont pris le contrôle, d'ailleurs les uns et les autres passent d'un secteur à l'autre fréquemment, on voit ça, et sans problème d'ailleurs, le technocrate rend possible l'accès aux capitaux, c'est ça l'objectif, et les capitaux servent les grandes entreprises et hop, ben on prend le contrôle de la business. Alors il écrit là-dessus, alors que le peuple québécois a peut-être cru un instant tenir les rênes de son avenir, celles-ci sont en fait passées aux mains de technocrates et d'entrepreneurs francophones. Et les organisations sociales ou syndicales n'ont pas suffisamment fait front pour que les ressources immenses du Québec bénéficient d'abord à ceux et celles qui y habitent. La nouvelle élite a réussi à monopoliser les lieux de pouvoir politique et économique et à détourner les flux de profit vers ses propres intérêts. It's killing me to be in this room. I've got to get out, I've got to get out soon. Alors, après cette introduction, quoi de mieux que de demander à celui qui dirige cet ouvrage lui-même, Simon Tremblay-Pépin, qu'il explique lui-même, dans le fond, la trame de fond de ce livre. Quel est l'objectif? Pourquoi l'angle, très intéressant, de la dépossession? Alors, voici ses réponses. S'intéresser aux ressources naturelles pour ce premier volume. Et vous dites qu'avec les ressources naturelles viennent son lot de malheur. Qu'est-ce qui... Oui. Ben, écoutez, il faut revenir pour ça à l'origine, au moment où je pense à cet ouvrage-là et où je commence à en discuter avec mes collègues à l'IRIS. Eh bien, ça se passe sur une plage du Venezuela, c'est étrange à dire. À la lecture des veines ouvertes de l'Amérique latine, qui est un ouvrage important d'Eduardo Galeano, qui a eu un impact majeur sur la pensée politique latino-américaine et qui dit en gros, et je le reprends en ouverture de l'ouvrage dans l'introduction, qui dit en gros, ben les ressources naturelles sont une damnation. Sont quelque chose qu'on pense qui rend les pays riches, mais en fait, elles ont, dans le cas des pays latino-américains, attiré tellement de convoitises qu'elles ont amené la guerre, elles ont amené le colonialisme, elles ont amené la destruction, et ces pays peinent, nous dit Galeano, qui écrit dans les années 70, peinent à se relever de la damnation et de l'horreur qu'ont provoqué la convoitise pour les ressources naturelles. Donc, ce que je soulève comme hypothèse en introduction et qui m'a guidé un peu dans cette réflexion, c'est est-ce que le Québec, si riche en ressources naturelles, aurait pas vécu quelque chose jamais similaire en degré, parce qu'évidemment, le colonialisme a été autrement plus sévère en Amérique latine qu'ici, mais est-ce qu'il aurait subi quelque chose de semblable en nature, c'est-à-dire, bon, évidemment, dans son histoire de colonie comptoir, mais par la suite, est-ce que ça n'aurait pas formé notre conception de nous-mêmes et, le système économique et politique du Québec? Et votre réponse est clairement oui. En tout cas, vous l'appelez dépossession, donc on n'est pas dans la destruction comme on pouvait voir, par exemple, dans les pays, effectivement, en Amérique du Sud, mais on parle de dépossession. Ça, c'est vraiment le cas du Québec. Pour vous, ça semble très net, là. Ben oui, écoutez, c'est un terme qui peut sembler provocateur. On nous l'a dit d'ailleurs qu'on provoquait un peu avec ce titre, mais pour nous, il y a vraiment quelque chose où le peuple québécois, bien sûr, là, dès le début, évidemment, on ne s'occupe pas de cette période-là de l'histoire, on est plutôt dans le 20e siècle, mais dès le début, avec les Premières Nations, il y a une dépossession, celle-là, elle est évidente, hein? Tout le monde reconnaît qu'il y a là conquête et dépossession, mais ce qu'on dit, c'est que même pour le monde ordinaire qui reste au Québec, même pour les gens de tous les jours, il y a cette richesse-là, puis là, on ne parle que des ressources naturelles. Dans le deuxième tome qui s'en vient, on parlera de la question du service public, de l'État, de ce qu'on met en commun. Mais ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ces richesses-là, elles n'ont pas tant profité à la collectivité québécoise, et on tente du moins d'expliquer les mécanismes de cette dépossession dans diverses ressources là, qu'on étudie. Parce que, dans le fond, vous dites même, ça, je me souviens de ça, que cette dépossession-là se fait même parfois là, au dépens des autres, c'est-à-dire on crée de l'exclusion ou on élimine les différences, les distinctions au Québec. Donc, on a eu comme une espèce de démarche assez particulière par rapport à ça. Ben oui, il y a effectivement chez nous une volonté à un moment précis, celui de la Révolution tranquille, de devenir maître chez nous et où on se serait dit collectivement et ça, je pense que c'est profondément ancré en nous. On se serait dit oui, on va devenir maître chez nous. on va prendre toute la place qu'il nous faut dans notre histoire politique, dans notre histoire économique, et enfin on va décider ensemble pour nous-mêmes. C'est une volonté très noble, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous nous appuyons sur cette volonté. Nous sommes convaincus, les différents auteurs de cet ouvrage, qu'il y a au sein du peuple québécois, dans toute sa diversité, une volonté de justement contrôler, être maître, prendre les décisions ensemble. Cependant, ce dont on se rend compte, c'est que la façon qu'on a eue d'en être maître, cette façon-là, eh bien, le ver de la dépossession était dans la pomme de la Révolution tranquille. Et en fait, c'est sous de nouveaux habits sous une nouvelle apparence que la dépossession se présente à nous aujourd'hui, malgré le fait que la Révolution tranquille est derrière nous. Parce que là, vous faites le lien entre, dans le fond, les technocrates et les entreprises qui, maintenant, ont pris possession du pouvoir que ça peut donner, hein, les ressources naturelles versus ce qu'on pouvait avoir avant, dont on espérait se débarrasser, c'est-à-dire souvent même des pouvoirs étrangers. Là. Oui, les pouvoirs étrangers, le clergé. Admettons qu'on faisait ça très, très schématiquement. Ouais. Et veut pas, on le fait néanmoins un peu schématiquement dans l'ouvrage, mais on y va avec plus de détails. Avant, on a les pontes religieuses conservatrices et de l'autre côté, le pouvoir anglo-américain. Et il y a une révolution tranquille où, en fait, ce qui se passe, c'est une transition. On change le pouvoir de main. Est-ce qu'on redistribue le pouvoir à plus de gens? Est-ce que plus de gens ont davantage de pouvoir sur leur vie? Dans une certaine mesure, oui, il y a des transformations qui se produisent, qui ont de l'intérêt, qui sont effectivement émancipatrices dans une certaine mesure, mais pour le gros de l'affaire, pour les vrais, ce qui donne du pouvoir et ce qui permet de prendre des décisions, ça reste entre les mains, effectivement, d'entrepreneurs maintenant canadiens français qui ne sont plus d'origine anglo-américaine et de technocrates. Est-il vraiment profitable pour tout le reste du monde qui vit au Québec d'avoir fait cette transition? C'est ce dont nous doutons. Dans cet article, en fait, c'est l'idée d'une révolution tranquille qui serait inachevée, c'est-à-dire qui n'aurait pas accompli son élan premier et sa mission première de transformation sociale. Alors, l'introduction est en fait, les chapitres du livre traitent des éléments clés de nos ressources, donc l'énergie, les mines, les forêts, l'eau, l'agriculture. On passe en premier lieu par le terrain de l'agriculture, les limites du modèle agricole québécois. Évidemment, parler d'agriculture, c'est parler du potentiel économique de ce secteur, mais aussi de ce qui nous nourrit, de ce qui nous a marqué aussi profondément, et penser à des classiques musicaux indémodables comme celui-ci. Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis deux choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux, puis des pommes de terre. Je suis un navet vert, je pousse sur terre. Je suis certain que qu'il y en a qui vont le chanter cet après-midi, c'est fait, pousse, pousse, pousse. L'agriculture est dans notre culture, même à l'enfance, et les villages sont encore visiblement imprégnés du modèle, ça oui, on comprend. Les terres agricoles font encore partie du paysage, bien loin, très loin de ce que c'était évidemment il y a encore un demi-siècle, mais tout de même présente encore. Le Québec rural a, oui, déjà été pas mal plus rural que citadin. Et aujourd'hui, cependant, l'agriculture n'est plus la petite famille qui s'occupe de son lopin de terre. Là, c'est une vraie business. C'est comme ça que c'est rendu. Une entreprise difficile, coûteuse, dont les maillons sont serrés au point où l'agriculture et l'agriculteur n'est plus tellement le propriétaire de sa culture, au sens large, politique et agronomique. L'auteur écrit donc: si l'on peut parler de dépossession au sujet de l'agriculture, c'est d'abord du point de vue de ceux et celles qui la pratiquent. prisonniers de structures commerciales et industrielles qui ne leur laissent aucune marge de manœuvre, enserrés dans un système oligopolistique dirigé par une poignée d'entreprises, les agriculteurs et agricultrices du Québec n'ont plus de pouvoir sur l'évolution de la profession, ni même souvent sur le destin de leur propre ferme. La nature des défis qui attendent ce secteur n'est pas seulement conjoncturelle, elle est structurelle et nécessite une réflexion véritablement de fond. Donc l'agriculture est dans une crise profonde, et c'est là qu'on en est. Et on est dans la logique productiviste, bien entendu. L'économie exige ça, le marché exige ça. On est devenu exclusivement, là, c'est devenu exclusivement marchand, productiviste, et ceux qui veulent sortir du cadre de l'étau, ben c'est un vrai combat, et un dur combat. Pourtant, la Révolution tranquille devait nous redonner notre petit Québec, mais c'est pas ce qui s'est passé. Le Québec a joué le jeu de l'économie mondiale. L'agriculture s'est spécialisée, le modèle d'exploitation s'est transformé, si bien qu'en 30 ans, on lit ça, le nombre de fermes a diminué de plus de la moitié, près de 155 000 en 1940. Il en reste un peu plus de 61 000 en 1970. Alors, en 30 ans, ça a beaucoup changé. Ce sont les entreprises de transformation puis de distribution qui vont devenir les plus influentes. Ce faisant, ben, l'agriculteur s'éloigne du consommateur, du Québécois, qui est censé être proche de la terre, proche de ses ressources. Alors, on n'est plus dans ces paradigmes-là du tout, là. On fusionne, on achète le concurrent, on grossit, on crée des oligopoles. Il y a aussi le monopole de l'UPA. Donc, on est bien loin de la fermette du coin, là. Les terres cultivées sont énormes. L'équipement coûte une fortune, on s'endette à mort, les exploitants agricoles doivent savoir manœuvrer avec les cours de la bourse, faire de la gestion de l'offre. L'agriculteur perd son autonomie, devient dans le fond un fournisseur de matières premières. C'est comme ça qu'on les appelle dans le bouquin. C'est quand même pas mal moins charmant, non? Alors, l'auteur écrit « L'histoire nous oblige à nous demander si une agriculture viable et véritablement souveraine est compatible avec le libre marché mondialisé. L'avenir de l'agriculture dépendra sans doute de la définition de la souveraineté alimentaire que nous nous donnerons. Il est pour nous indéniable que la prévalence accordée jusqu'ici à l'économie sur l'environnement, les milieux de vie, le bien-être des individus et l'intérêt collectif a fragilisé les possibilités d'une agriculture viable. » Il s'agit maintenant d'éviter de faire encore une fois des choix politiques à courte vue qui mettraient encore plus l'agriculture au pas de l'économie pour qu'elle se conforme aux critères du complexe agroalimentaire et qu'elle obéisse à la logique de surconsommation dans laquelle le Québec, comme tant d'autres sociétés, est empêtré. Il nous semble à l'inverse impératif de doter le monde agricole d'outils qui le préservent de passer sous le joug des puissances économiques. Plus radicalement, nous ne voyons pas comment éviter un changement de perception pour penser sereinement l'avenir du secteur agricole. Il faut sortir les agriculteurs et agricultrices du paradigme productiviste en leur restituant leur rôle d'artisan qui, doué d'un savoir-faire précieux, pratique une activité équilibrée dans le respect de la nature et au plus grand bénéfice de tous. Alors, nos ressources, on a un rapport ambigu, c'est à nous, on est fiers, mais en même temps, on exploite ça sur des territoires où on ne voit pas. Hein, ça, c'est l'espèce de paradoxe. On n'est pas tellement au courant non plus. On est dépossédé de nos ressources. En somme, comme avant, seul le patron a changé de nom, d'origine. Exception faite de notre eau et d'Hydro-Québec, dont on est bien fiers. Hein? Ça fait longtemps qu'on est fiers, d'ailleurs. Souvenir pub qui date de 1971. Écoutez bien ce qui suit. Intéressant. Voici la maison anti-pollution, la maison Novlec. Anti-fumée, anti-bruit du chauffage, anti-pièces de rechange, anti-manque d'eau chaude, anti-espace perdu, anti-temps perdu, anti-lavage des rideaux souvent, anti-ménage tout le temps et anti-pollution. La maison tout à l'électricité Novlec. Soyez jeune, soyez libre, soyez électrique. « soyez jeunes, soyez libres, soyez électriques. Oui, oui, oui. Donc, on est fiers. Quoique, encore là, sentez-vous que vous avez beaucoup de pouvoir sur les décisions d'Hydro-Québec? Pas vraiment? Ben, vous n'êtes pas les seuls. Soyez libres, disait la pub. Ben, pas tant que ça. Vous parlez du rapport des Québécois avec leur territoire. Parce qu'en principe, c'était la base, hein, c'est-à-dire qu'on est chez nous, on est chez soi, c'est à nous, ce sont nos ressources, donc elles doivent nous apporter ce dont nous avons besoin et plus encore. Donc, vous parlez de ça, de cette relation, du rapport des Québécois avec leur territoire qui est assez presque ambigu finalement, non? Oui, ben c'est qu'il se trouve dans ce rapport-là une vraiment, il y a une impression de regarder tout ce que le gouvernement produit comme publicité ou ce que les divers partis politiques ou organisations politiques vont faire quand on veut parler du Québec. On nous montre sans cesse ces points de vue d'hélicoptère ou d'avion. On voit les grandes forêts, le fleuve et bon, tout ça. Où le sentiment d'appartenance est immédiatement chatouillé et on dit ah oui voilà c'est à ça ici un sentiment de faire corps avec le territoire et pourtant quand on y pense à qui elles appartiennent ces forêts là à qui elles appartiennent ces mines ces richesses naturelles à qui appartient la force on s'est dit par exemple Hydro-Québec quel symbole se dire ben la force de ces rivières qui nous donne notre électricité, eh bien, on va la posséder collectivement. Mais le chapitre qui se consacre à Hydro-Québec nous montre bien que, en ce moment, notre capacité de décider ce qu'on fait d'Hydro-Québec est extrêmement faible. Et on peine même à savoir ce qui s'y passe à Hydro-Québec. C'est pas seulement que des gens décident à notre place, c'est qu'on a très, très peu de moyens de connaître qu'est-ce qui se produit dans cette boîte-là, parce qu'on nous dit que ça révèle du secret industriel, de la compétition avec d'autres organisations. Donc, une entreprise publique dont on bénéficie, il faut bien le rappeler, à la fois des milliards qui sont produits en redevance, mais aussi de ce qui est de bas tarifs d'hydroélectricité, on peut dire on est des clients satisfaits, mais sommes-nous des gens qui avons le pouvoir puis qui pouvons décider collectivement de ce qui se passe avec nos rivières, avec notre électricité, et notre bilan est assez sombre à ce niveau-là. Et preuve qu'on peut encore jouer là-dessus, les publicités actuelles d'Hydro-Québec, on voit quelqu'un d'Hydro-Québec qui vous accueille un peu comme si vous arriviez chez vous. Là. On joue encore bien cette sûr. Note-là. Là. Mais bien entendu, et vous savez que Hydro-Québec, je pense que Jean-Marc Léger qui en faisait état dans son ouvrage récent, et l'objet dont ce serait l'entreprise et même la ressource ou un des faits québécois dont les Québécois et les Québécoises seraient le plus fiers. Donc, ça va toucher une corde sensible. Avec raison, c'est pas des petites décisions qui ont été prises. Exproprier des entreprises hydroélectriques à l'époque, prendre la décision suite à un plébiscite de dire oui, on va faire ça et ça va être à nous. C'est un geste courageux, c'est un geste de gens qui se tiennent debout. On pourrait dire, oui, voilà quelque chose de formidable, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Puis comment on peut aujourd'hui, admettons qu'on est en désaccord avec une décision d'Hydro-Québec d'arnacher une rivière, par exemple, ou de poursuivre des projets d'électrification ou d'éoliennes, etc. On a plein de cas où on se dit, moi, je suis en désaccord avec ce que fait Hydro-Québec, comment je peux leur exprimer s'il est vrai que c'est chez nous, s'il est vrai que ça nous appartient? Eh bien, pour la plupart des gens, pour 99% de la population, on n'a aucune idée de comment rendre réelle cette impression qu'on a que cette organisation-là nous appartient. Dans le livre, quand même, et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous passez, item après item, la forêt, les mines, l'agriculture, et ce qu'on comprend, c'est que la forêt profite aux papetières, les mines aux minières, l'agriculture au plus gros, c'est comme ça que ça se dessine. À part exception d'Hydro-Québec et aussi de l'eau. Vous dites qu'avec la politique de l'eau, au moins, il y a des avancées qui sont faites, quoique la convoitise est tellement forte de ce côté-là de marchandiser que il y a risque. Mais oui, donc, puis on n'a pas pu faire le bilan. La politique de l'eau est tellement récente, hein, faut bien se le rappeler, là, ça date du début des années 2000, et les bilans qu'on entend maintenant, publiés après la publication de l'ouvrage, sont pas entièrement positifs sur est-ce que ça fonctionne, la politique actuelle, est-ce que on donne effectivement du pouvoir aux gens. Les comités de bassin versant qui ont été mis en place, beaucoup de gens disent, ben, en fait, c'est les gros joueurs, encore une fois, et on répète le leitmotiv de cet ouvrage, on se retrouve devant des gros joueurs qui mettent la main sur des processus qui sont prétendument démocratiques, mais en fait qui se révèlent surtout consultatifs, et où le monde ordinaire, là encore, les gens de tous les jours, les gens qui vivent près de ces rivières, près de ces bassins, eh bien, se retrouvent sans mot dire, sans leur mot à dire sur ce qui va se passer. Et c'est évidemment la même chose, vous faisiez bien de souligner, avec les minières et les forestières, on est devant des gens qui prennent le contrôle sur des ressources qui, en théorie, on le dit toujours, bien sûr, en théorie, tout ça nous appartient. La forêt, c'est un ministère qui dit que telle entreprise papetière peut aller couper des arbres. Certes, mais à partir du moment où on le fait, à qui est-ce que ça profite? Combien ça nous coûte gérer la forêt par rapport aux redevances qu'on va chercher? Et entre tout ça, ben, on sait bien, hein, ça tient pas, là, ça nous coûte beaucoup plus cher que les redevances qu'on va chercher. Mais entre tout ça, il y a des entreprises qui réussissent à être des entreprises milliardaires. Il y a bien quelqu'un qui fait de l'argent quelque part là-dedans. Et ça semble pas être nous autres. Et justement, et ça, je trouve que c'est un des constats qui est très intéressant, c'est que vous dites, en même temps, vous expliquez cette dépossession-là, en fait, qui continue finalement, qui a changé de main, et qui fait en sorte qu'on a la perception, on dit, ouais, mais au moins c'est à nous aujourd'hui, on a plus de contrôle depuis la Révolution tranquille. On a des redevances, bon, d'accord, sauf que vous dites que ça crée aussi une dépendance à l'extraction. On vient jouer le jeu aussi qui fait en sorte qu'on risque de... On court après notre propre péril, finalement. Là. Mais là-dessus, c'est drôle, hein, parce que j'ai toujours eu ce fantasme d'affirmer que, bon, le Québec était un pays latino-américain comme les autres, c'est-à-dire qu'on est de descendance catholique et on parle une langue latine. Et il me semble que là aussi notre destinée est pas si lointaine de ce que vivent beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est-à-dire où effectivement des gouvernements même très progressistes, comme on a pu en voir dans les dernières années, là, ça a changé depuis, mais sont pris en Amérique latine à dire ben il nous faut exploiter les ressources parce que c'est avec cette exploitation-là qu'on va réussir à financer des programmes sociaux généreux, etc. Le Québec n'est pas dans la même situation, au sens où cette manne de ressources naturelles n'est pas aussi grande, où on ne s'est pas tellement appuyé sur elle pour aller financer nos programmes sociaux. On a davantage opté pour l'impôt sur le revenu, etc., etc. Cependant, le geste qu'on pose, la direction qu'on prend collectivement, c'est-à-dire de réduire le poids des impôts dans les revenus de l'État et d'augmenter le poids des bon, que ce soit d'Hydro-Québec ou des redevances, etc., dans notre stratégie de développement économique, on adhère sans autre forme de procès, sans plus de réflexion, à la posture extractiviste qui est évidemment un échec lamentable en termes de politique publique, mais extrêmement nocive aussi pour l'environnement. Donc, on frappe là, on va dans une direction qui est tout à fait sans intérêt, me semble-t-il, et qui devrait être revue. Et ce livre-là pointe du doigt les décisions récentes dans certains cas, qui nous mène là, évidemment, on pense au plan Nord, par exemple, qui serait un très bon exemple de néo-extractivisme. Alors, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1. C'est David Lemelin au micro. On parle donc, on est consultatif, c'est ça qu'on comprenait de l'entrevue. On consulte, on discute, on jase, mais on contrôle pas grand-chose. On parvient que très difficilement à changer le cours des choses. Pensez aux pipelines, par exemple, aux gaz de schiste. C'est compliqué de déplacer la montagne. Et puis, comme on vient de le dire, on devient dépendant de cette logique d'extraction. On se demande pas tellement si c'est mauvais pour l'environnement ou pour l'avenir. On se dit plutôt, ça va se faire de toute façon, aussi bien que ce soit par nous et pour nous. Oui, mais à court terme peut-être, mais à long terme? Dans le chapitre portant sur la forêt, on nous parle de cet attachement québécois envers cette ressource. On le sait, c'est un secteur très, très enraciné dans notre culture. Oui, je sais, le jeu de mots est un peu facile, mais comme l'auteur du chapitre s'appelle Dubois, je m'en permets un peu. Mais donc, pour la forêt, elle aussi, c'est la dépossession. C'est les Québécois perdent ce lien, pourtant profondément historique, très tôt en fait, parce que l'industrie forestière, ça a été rapidement instauré, c'est resté. On n'est plus à l'époque des barons du bois, on avait accordé d'immenses privilèges aux entreprises à l'époque pour des redevances très faibles. Et de tout temps, on a bradé cette ressource au profit de compagnies forestières privées, pas tellement au profit de l'ensemble des Québécois. C'est ça qu'on comprend de cet article, de ce chapitre. Bon, on évolue un peu, c'est long, malgré les efforts. Le régime forestier proposé en 2010 est certes plus démocratique en matière de gestion, mais il maintient tout de même la plupart des privilèges historiquement consentis aux firmes du secteur. Ainsi, hormis le mouvement de 1972, jamais ces privilèges n'ont été remis en question, nous dit l'auteur. Ça fait quand même un bail, là. Pourtant, historiquement, travailler dans la forêt, moins pour le sillage et ou les pâtes et papiers, c'est un travail de misère. C'est dur, très dur. Défricher un bout de Côte-Nord, comme disait Villa-Pronovo, c'est pas un job facile, c'est même dangereux. Et Michel Chartrand disait avoir vu le tiers-monde, lui, quand il parcourait les installations des travailleurs en forêt. La syndicalisation a fait avancer les choses, mais sur le fond, la forêt n'est pas tellement davantage notre forêt. Ce qui fait dire à l'auteur, dans sa conclusion sur le segment qui est consacré à la forêt, « Quand il s'agit du travail proprement dit en forêt, le problème est malheureusement beaucoup moins discuté dans la sphère publique que celui de la gestion forestière, dont on parle d'autant plus aujourd'hui qu'on réfléchit à une approche écosystémique. Pourtant, du bûcheron d'hier aux travailleurs et travailleuses sylvicoles d'aujourd'hui, les similitudes sautent aux yeux. Ce domaine est encore le règne de la sous-traitance, du salaire au rendement et de conditions de travail déplorables. Pour le dire simplement, l'État fait ici cause commune avec l'industrie pour maintenir les coûts de production du bois et de l'aménagement forestier les plus bas possibles. Et c'est la main-d'œuvre qui écope. La syndicalisation des sylviculteurs et sylvicultrices apparaît comme la meilleure avenue pour s'attaquer au fléau de l'exploitation, mais il faudrait que le gouvernement adopte des mesures qui l'encouragent. Il est indéniable que l'économie des régions bénéficierait largement, en plus du régime forestier, d'un régime d'emploi forestier et d'emploi digne de ce nom. L'argent ainsi investi ne rapporterait-il pas autant que l'argent dépensé, parfois en pure perte, pour soutenir les entreprises? En fait, ne serait-il pas tout simplement plus utile dans les poches des travailleurs et travailleuses que dans les profits des entreprises à qui l'on refuse d'imposer des taux de redevances appropriés? Après 2 siècles d'exploitation, la forêt québécoise a besoin d'une véritable solution. Certes, la refonte actuelle du régime jette les bases d'une plus grande démocratie dans sa gestion. La forêt est publique et la population québécoise a le droit d'avoir voix au chapitre. Mais il semble encore difficile de se débarrasser de la très vieille habitude qu'on nous a inculquée, qui est celle de se soumettre aux impératifs industriels. Il faudra pourtant passer par là pour amorcer un véritable changement. Dormait dans son verso, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Et quand on poursuit la lecture, c'est pas plus joli avec nos mines. On critique ici la grande complaisance de l'État québécois envers les entreprises minières. Bien sûr, les pertes fiscales sont importantes, sont énormes. La dépossession fiscale, c'est évident, comme disait l'autre. On perd des milliards et on pollue gravement. Alors, depuis 150 ans, dans la grande majorité des cas, l'intervention de l'État dans le secteur minier a été fonctionnelle au capital. Sur le plan entrepreneurial et en matière de politique industrielle, cette intervention a été somme toute timide si l'on prend en considération le droit de propriété que les citoyens et l'État détiennent sur ces ressources. À partir de la Révolution tranquille, cette intervention s'est de plus en plus financiarisée, l'État agissant à titre de banquier d'affaires, de bailleur de fonds des infrastructures et de partenaire actionnaire dans le secteur. On peut d'ailleurs aujourd'hui observer le plein déploiement de cette stratégie dans le cadre du plan Nord. Ici, on est évidemment dans la logique de l'extraction totale. Et en poursuivant la lecture d'ouvrage, ça s'arrange pas, je vous le dis, là, les ressources énergétiques, on passe de la nationalisation à la privatisation, comme si on n'avait pas encore compris, on fait le chemin inverse. Et puis l'eau, notre eau dont on est bien fier, ben, est-ce que c'est la prochaine dépossession? C'est ça la question. Bref, cet ouvrage fait œuvre utile avec cette approche, relire l'histoire du Québec à travers les ressources et on met en lumière des constats troublants, difficiles. On apprend bien sûr des choses hein, sur cette approche. Je vous propose de réécouter Simon Tremblay-Pépin pour la dernière partie de l'entretien. Présenter le livre comme étant une histoire économique du Québec contemporain. Donc, on devrait avoir, en histoire, on interprète oui et non. En tout cas, c'est censé être subtil. Mais vous, il y a clairement une volonté d'expliquer et de dire des choses. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, parce qu'il y a presque sous le couvert de l'histoire qu'on va vous faire, on va vous dire ce qu'il en est réellement, notamment pour ce qui est de l'environnement. Vous vous sentez préoccupé par la question environnementale, qui, au bout du compte... C'est un peu inévitable avec les ressources. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est on n'avait pas le choix de parler d'environnement. Mais vous avez tout à fait raison qu'on n'est pas ici devant une tentative de manuel d'histoire, là, loin de là. On est dans une perspective où l'histoire se fait et s'interprète à partir des outils que nous offrent les autres sciences sociales, la sociologie, la science politique, les études critiques en environnement, etc. Donc, on a évidemment mobilisé une certaine thèse. Le livre sur les ressources, qui reprend finalement trois ou quatre fois, ben en fait cinq fois l'histoire du Québec, mais à travers disons les méandres vécus par certaines ressources, ben forcément se retrouve à faire des choix, à dire ce qu'il est important de retenir de l'histoire, c'est cette série d'événements-là. Ce qui n'en fait pas moins une histoire, hein. On n'écrit pas l'histoire, mais bien, si vous avez noté le sous-titre, une histoire parmi d'autres. D'autres personnes auront une autre lecture. Mais pour nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est les premiers à réunir au même endroit cette approche-là de lire l'histoire à travers les ressources et dans notre deuxième volume à travers les institutions dont le Québec s'est doté. Donc on trace l'histoire collective à travers l'espace où la collectivité s'installe et à travers les institutions dont elle se dote. Et ici vous le notez bien, il y a un choix très clair en termes historiques, c'est de ne pas faire l'histoire des grands hommes et des grands événements, des grandes dates, etc., mais une histoire beaucoup plus sociale, avec une compréhension de la société comme s'exprimant dans un espace et à travers des institutions. Est-ce que comme groupe d'auteurs, avez-vous appris des choses? Est-ce que vous avez, vous confirmez des choses ou vous avez appris des choses? On a appris, moi, vous savez, j'ai tellement appris, en fait. Si vous connaissiez mon ignorance crasse de l'histoire de l'agriculture au Québec, par exemple, évidemment, j'ai appris énormément. Je pense que c'est le cas, puis je ne me gêne pas pour les faire se joindre à moi dans cette déclaration, mais je pense que c'est le cas pour tous les auteurs, de cet ouvrage. On est parti avec des connaissances, avec quelques idées, mais c'est des années de travail qu'il y a derrière ce livre-là. On le notera à l'appareil de référence qu'on s'est entendu avec notre éditeur pour dire qu'on allait rendre toutes les références disponibles pour les gens, pour que les gens puissent se nourrir aux mêmes sources où on s'est nous-mêmes nourris. Donc on est des gens qui avons développé notre connaissance dans l'écriture de l'ouvrage. Et c'est la même chose pour le deuxième volume. C'est ce qui fait qu'il prend tant de temps à sortir. C'est que on planche vraiment pour lire tout ce qui a été publié. Dans certains cas, il y a presque rien qui a été publié. Et donc, on fait œuvre utile aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on participe à collectivement se rappeler notre histoire, ce qui au Québec est souvent un enjeu et un problème. On ne parle pas assez souvent de comment s'est construite la société québécoise. Bien, on essaie d'y participer avec cette réflexion-là. Et je pense qu'on offre quelque chose qui peut en tout cas nourrir les réflexions historiques avec cet ouvrage. Et puis dernière question, vous l'avez abordé à quelques reprises, mais quand même. À quand le prochain livre? Et juste nous le présenter, là, parce que c'est un complément, ça va ensemble, c'est évident ce que vous dites. Oui. On va évidemment là, se pencher sur, on va aller un pas plus loin. Vous savez, en parlant d'Hydro-Québec et en disant qu'il y avait un espace de dépossession dans Hydro-Québec, on prenait une position un peu provocatrice. On va continuer dans la provocation dans le deuxième ouvrage en disant que les services publics dont nous sommes dotés, la santé, l'éducation primaire, l'éducation postsecondaire, des organisations d'État comme la SAQ, comme l'Auto-Québec. C'est des choses dont on s'est doté qui sont fort intéressantes, mais qui participent aujourd'hui, dans leur version actuelle, à une forme de dépossession également. Et donc, on va expliquer comment tout ça s'est passé. Et les mêmes acteurs que vous avez vus dans le premier ouvrage, les technocrates, les grandes entreprises locales ou internationales, vont venir jouer leur rôle dans cette histoire-là aussi. Ça nous semble peut-être plus surprenant quand on parle de l'État québécois, des services publics, des institutions, mais ces acteurs-là ont un rôle non négligeable à jouer. Et on va explorer tout ça. On espère le voir publié d'ici peu, mais là, je me suis tellement avancé dans les dernières années sur des dates que je veux pas encore me ridiculiser à vous dire une date qui ne vient pas. Mais la chose que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'on y travaille d'arrache-pied et qu'on fait, qu'on essaie de vous livrer quelque chose de la plus belle qualité possible. Et puis, dans la conclusion, on récapitule, on dit « L'industrialisation de notre rapport au sol, au sous-sol et à la forêt a d'abord eu pour conséquence de réduire considérablement le nombre de personnes qui étaient en contact direct avec ces univers. L'exploitation des ressources est devenue une réalité éloignée, isolée dans certaines régions précises, qui ne sont plus que de simples bassins à exploiter. » Plus loin, on lit « Dans l'imaginaire mobilisé par la Révolution tranquille, le territoire du Québec était présenté comme la pierre angulaire de l'émancipation à venir. Cette dernière était censée se concrétiser bien sûr par la prise de contrôle de l'exploitation des ressources, mais le symbole emportait avec lui une aspiration plus large, celle d'habiter ce territoire de façon harmonieuse, de reconnaître sa beauté, de le respecter. Or, les années subséquentes, on s'est concentré sur l'exploitation des ressources, faisant perdre de sa force et de sa magie à ce symbole, désenchantant progressivement le territoire, ramenant ce sentiment d'appartenance pourtant gros de possibilités à un enjeu comptable. A commencé alors à sourdre le sentiment que la reprise en main tant attendue ne se réalisait pas. Aujourd'hui, notre inconscient collectif est parcouru de perplexités de ce type. Si nous contrôlons collectivement notre territoire, comment se fait-il que sa destruction, que tout le monde dit vouloir éviter, se produisent quand même? C'est une très bonne question. On en vient donc à un modèle qui va à l'encontre de la noble volonté de départ. On sombre dans ce qu'on appelle l'extractivisme. Ce modèle de développement économique est fondé sur l'extraction des ressources naturelles, mais il ne se limite pas à la ponction des ressources. Il comprend aussi leur exportation immédiate à l'état brut pour transformation à l'étranger. Ainsi, ces richesses sont davantage profitables aux entreprises qui en font commerce qu'aux peuples des pays d'où elles sont extraites. Pour ceux-là, on se borne à espérer des emplois et une stimulation économique, si tant est que les marchés internationaux soient bien disposés. Alors, quand les gouvernements plus progressistes arrivent au pouvoir, est-ce que c'est mieux? Alors on verse, dit-on, dans le néo-extractivisme, c'est-à-dire qu'on fait de l'extraction pour pouvoir payer les programmes sociaux, comme on disait. En principe, c'est mieux, mais sur le fond, ça ne règle pas les problèmes environnementaux et surtout, ça génère une dépendance des finances publiques à l'endroit de l'extraction des ressources et de leur prix de revente sur les marchés internationaux. On n'est pas plus mieux que les autres, alors. Pas tellement. Donc, la révolution tranquille n'a pas permis de se sortir de la logique de l'extraction de nos ressources. Ça n'a pas permis de se sortir du régime de dépossession. On a changé les leaders. On a changé certains principes, mais l'essentiel est encore là. On est dans la continuité. Trouvons-nous en effet dans l'histoire du Québec un moment où notre société s'est demandé comment et dans quel but exploiter la forêt, le sous-sol, le sol ou le sous-sol? Certes, des commissions parlementaires et des commissions d'enquête se sont penchées sur la question à plusieurs reprises et, depuis la création des BAP, nombre de consultations ont été tenues. Mais concrètement, les résultats de tout cela, quand il y en a eu, ont été plutôt de restreindre la capacité de la majorité à se prononcer sur les procédés mis en œuvre. Ce serait se leurrer que de croire que les consultations publiques, bien qu'exigeant beaucoup d'efforts de la part de leurs participants et participantes, ont un réel impact. Encore là, intéressante remarque. Donc, les papetières ont tiré profit de la forêt, les minières des mines, l'agriculture tend à favoriser les plus gros. Alors, la question qui tue, est-ce que le Québec pourra limiter l'exploitation de ses ressources pour notamment des raisons environnementales? Là-dessus, ce sont des signaux d'alarme, parce que se faire entendre en commission parlementaire ou lors de commission d'enquête, c'est pas un gage que le bateau changera de direction. C'est de l'action politique que le peuple a été dépossédé, et il a été de l'intérieur. S'attaquer à d'autres monstres imaginaires est un coup d'épée dans l'eau. Par conséquent, si le discours sur l'émancipation veut retrouver son efficacité, il est avant tout indispensable de persuader la population que les changements proposés vont effectivement donner du pouvoir à ceux et celles qu'ils concernent, qu'il ne s'agira pas une fois de plus de substituer une élite à une autre. Beau défi en vérité, car notre histoire composée de transitions entre des élites se disant à chaque fois libératrices a installé un doute tenace quant à cette possibilité. C'est à ce doute et à la dépossession qui le nourrit qu'il nous faut nous attaquer si l'on cherche l'émancipation. Alors, dépossession, une histoire économique du Québec contemporain, volume 1, les ressources, un collectif d'auteurs dirigé par Simon Tremblay-Pépin, publié chez Lux Éditeur, un livre qui replace son petit Québec, je dirais. À lire donc, c'est très instructif. C'est déjà tout pour nous. Merci infiniment à notre invité, Simon Tremblay-Pépin. La semaine prochaine, je lirai des extraits du livre « J'accuse, l'économie triomphante » d'Albert Jacquard. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Merci, à samedi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.